Chapitre 229. La recommandation de jeûner le lundi et le jeudi. 1255. Selon Abu Qatada, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé au sujet du jeûne du lundi. Il répondit, « C'est le jour où je suis né, et le jour de mon avènement, comme prophète. » Ou bien il a dit, « Où j'ai reçu pour la première fois la révélation. » Muslim. 1256. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, les actions des hommes sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et il me plaît que mes actions soient présentées alors que je jeûne. At-Tirmidhi qui a dit, hadith Hassan, et Muslim mais sans mentionner le jeûne. 1257. D'après Aïcha radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam aimait jeûner le lundi et le jeudi. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan.